Actes chapitre 19. Or il arriva, comme Apollo était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé tous les quartiers d'en haut, vint à Éphèse, où ayant trouvé de certains disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même ouï dire s'il y a un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, qu'il crût en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus-Christ. » Ayant ouï ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ainsi ils parlèrent divers langages, et prophétisèrent. Et tous ces hommes-là étaient environ 12. Puis étant entré dans la synagogue, il parla avec hardiesse l'espace de 3 mois, disputant, et persuadant les choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient, et étaient rebelles, parlant mal de la voix du Seigneur devant la multitude, lui s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, et ils disputaient tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannu. Et cela continua l'espace de 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, ouïrent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul. De sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des linges sur les malades, et ils étaient guéris de leur maladie, et les esprits malins sortaient des possédés. Alors quelques-uns d'entre les juifs exorcistes, qui couraient çà et là, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins, en disant, « Nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. » Et ceux qui faisaient cela, étaient 7 fils de Séma, juifs, principal sacrificateur. Mais le malin esprit répondant, dit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme en qui était le malin esprit, sauta sur eux, et s'en étant rendu le maître, les traita si mal, qu'ils s'enfuirent de cette maison tout nus et blessés. Or cela vint à la connaissance de tous les Juifs et des Grecs qui demeuraient à Éphèse, et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses, apportèrent leurs livres, et les brûlèrent devant tous, non ayant supputé le prix, on trouva qu'il montait à 50 000 pièces d'argent. Ainsi la parole du Seigneur se répandait sensiblement, et produisait de grands effets. Or, après que ces choses furent faites, Paul se proposa par un mouvement de l'esprit, de passer par la Macédoine et par l'Achaïe, et d'aller à Jérusalem, disant, « Après que j'aurai été là, il me faut aussi voir Rome. » Ayant envoyé en Macédoine 2 de ceux qui l'assistaient, savoir, Timothée et Eraste, il demeura quelque temps en Asie. Mais en ce temps-là il arriva un grand trouble, à cause de la doctrine. Car un certain homme, nommé Démétrius, qui travaillait en argenterie, et faisait de petits temples d'argent de Diane, et qui apportait beaucoup de profit aux ouvriers du métier, les assembla, avec d'autres qui travaillaient à de semblables ouvrages, et leur dit, « Ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Or vous voyez et vous entendez comment, non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul-ci, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde, en disant que ceux-là ne sont point des dieux, qui sont faits de main. Et il n'y a pas seulement de danger pour nous, que notre métier ne vienne à être décrié, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé, et qu'il n'arrive que sa majesté, laquelle toute l'Asie, et le monde universel, révère, ne soit anéantie. » Et quand ils eurent entendu ces choses, ils furent tout remplis de colère, et s'écrièrent, disant, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et toute la ville fut remplie de confusion, et ils se jetèrent en foule dans le théâtre, et enlevèrent Gaïus et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et comme Paul voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent point. Quelques-uns aussi d'entre les Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, pour le prier de ne se présenter point au théâtre. Les uns donc criaient d'une façon, et les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse, et plusieurs même ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Alors Alexandre fut contraint de sortir hors de la foule, les Juifs le poussant en avant, et Alexandre faisant signe de la main, voulait alléguer quelque excuse au peuple. Mais quand ils eurent connu qu'il était juif, il s'éleva une voix de tous, durant l'espace presque de 2 heures, en criant, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Mais le secrétaire de la ville ayant apaisé cette multitude de peuple, dit, « Homme éphésien, et qui est celui des hommes qui ne sachent, que la ville des Éphésiens est dédiée au service de la grande déesse Diane, et à son image descendue de Jupiter, ces choses donc étant-elles sans contradiction, il faut que vous vous apaisiez, et que vous ne fassiez rien imprudemment. Car ces gens que vous avez amenés, ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs de votre déesse. Mais si Démétrius, et les ouvriers qui sont avec lui, ont quelque chose à dire contre quelqu'un, on tient la cour, et il y a des proconsuls, qu'ils s'y appellent donc les uns les autres. Et si vous avez quelque autre chose à demander, cela se pourra décider dans une assemblée dûment convoquée. Car nous sommes en danger d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucun sujet que nous puissions alléguer pour rendre raison de cette émeute. » Et quand il eut dit ces choses, il congédia l'assemblée.